Bonjour, mesdames et messieurs. Oui, nous écoutons la traditionnelle ukrainienne Wedding March, car oui, tout au long de mon âme nation, aujourd'hui à Plectrum, la grande traversée du jeudi, je vous ferai jouer des pièces de ce magnifique CD ukrainienne Wedding. Bonjour, je m'appelle André Pelquin et bienvenue à Plectrum, la grande traversée du jeudi. J'espère que vous allez tous bien. Nous, on va débuter dès maintenant avec du rock parce qu'il fait froid dehors et il faut se réchauffer en sautillant. Alors, on va y aller avec un groupe qui commence à faire beaucoup de bruit. Il y a certains sites qui ont consacré ce groupe comme le premier groupe à surveiller en 2006, c'est Love Is All. On vous les présente d'avance. Ensuite, on va y aller avec les Canadiens de Melly Grove Band. Ensuite, on va enchaîner avec Pantiel. Et pour ceux qui ont été voir Arcade Fire en compagnie de U2 au Centre Bell, eh bien, on a un enregistrement de leur reprise de Love Will Tear Us Apart, The New Order. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez faire ça par téléphone au 343 CISM, 343-2476. Il y a aussi le courriel à plectrumcism@hotmail.com ou encore passez par mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Vous aurez des détails sur la programmation d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont été d'avance, vous saurez que là, de 17h à 18h, on reçoit le groupe électromécanique rap, les robots de la rime. Ça va être super excitant. Mais en attendant, place à la musique. On enchaîne dès maintenant avec Love Is All, avec la pièce Make Out, Fall Out, Make Up sur la marge. Et bien sûr, mon CD, A Ukrainian Wedding. À tout de suite. Woo! Yeah! I think I'll stand up. Thank you. Bonjour, mesdames et messieurs, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, CSM, je m'appelle André Péloquin, et nous écoutons maintenant la pièce Saskatchewan Wedding March, tirée de l'excellent album Ukrainian Wedding, performé par les Ukrainian Old Timers. Que de plaisir! Vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, CSM, je m'appelle André Péloquin, c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit, et on vient d'entendre dans un premier segment musical des pièces plutôt rock. On a terminé avec Arcade Fire, en compagnie de Bono, là, l'espèce de candidat là, au prix Nobel de la paix qui charge 100$ et plus pour son espèce de spectacle, puis qui après ça, il prie les autres pays de payer les... En tout cas, Bono, je l'aime pas beaucoup. C'était une pièce de Joy Division et non pas New Order. Merci beaucoup, Eric. C'était la pièce Love Will Tear Us Apart. C'est en direct d'un des concerts enregistrés à Montréal. Un peu avant, on avait les Pants Yell, un groupe qui ressemble un peu à ce que faisaient les Unicorns. C'était la pièce New Four. Un peu avant, groupe canadien Millie Grove Band avec la pièce Our Love Will Make the World Go Round. C'est tiré de leur album Planets Conspire. Très bon en anglais ici, le garçon. Et on a débuté le tout avec le premier groupe à surveiller en 2006. Il paraît, c'était le groupe Love Is All. La pièce était Make Out, Fall Out, Make Up, tirée de leur album Nine Times the Same Song. Avant d'enchaîner avec un bloc plutôt rock cowboy, je vais vous parler de quelque chose qui est plutôt sérieux. Alors on va baisser la musique sérieuse. Il y a une manifestation qui va avoir lieu à 11h du matin, samedi le 10, je crois. C'est au coin de Sherbrooke et McGill College, devant les bureaux de Jean Charest. C'est contre les plantations des méga porcheries. Il y en a une qui devrait se développer bientôt dans le coin de Richelieu. Hey, c'est proche de mon patelin, ça. Yo, respect. Et les méga porcheries vont. Celle-ci, là, si le. Le projet est consacré, va déverser pas moins de 24 millions de litres de purin dans le Richelieu par année. Oh, c'est le fun, ça! C'est une manifestation supportée par Greenpeace et Au Secours. Et si vous voulez plus de détails, 247-8984. Mais maintenant, on va retourner en musique. Oui, en musique. On va enchaîner maintenant avec les Two Gallants. Ça ressemble un peu aux White Stripes. Vous allez adorer ça. Ensuite, on va y aller avec directement de Montréal, Yesterday's Ring. Ensuite, on va y aller avec une reprise de Iggy Pop par les Bad Lovers et un groupe qui était de passage cette semaine à Montréal, Against Me. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, 343-CISM, 343-2476. Il y a aussi le courriel à plectrumcism@hotmail.com. Et finalement, mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. On débute maintenant avec Last Crucis Gel des Two Gallants sur La Marge. À tout de suite. Well, I spent last night in Las Cruces jail, raining hail, going to fail. Nobody come for to come my bail. Sun don't you rise no more. I shot one man on the county line, took his time and I blew his mind. And I'm just sitting here doing time. Sun don't you rise no more. Well, a restless wind is whistling through my window, through my head, through all the strikes that I survived. And in my hour of darkness, I keep counsel with the dead, just enough to remind me I'm alive. Well, I write to the governor for to hear my plea, but he don't even answer me. Judge said he's gonna set my spirit free. Sun don't you rise no more. Gavel fell, he chose the day. Gallows high, 13th of May. But I don't plan to go that way. Sun don't you rise no more. Good night, my Andalusia. Don't buy all the lies that they feed you. And though just a kid, but I'll pretend my time will come, but until then, so- anoint your eyes no more. I see the gallows altar that circle round the sun. They're gonna hang me if I stay here. They're gonna shoot me if I run. Jailer better watch his pride. Or on my wrist these shackles slide. Hear my restless 45. So don't you rise no more. Don't buy all the lies that they feed you. And though you're heading slowly to some place I can't respect, I'll keep you in my collection of regrets. Machine. Well, he's gonna do another striptease. Hey man,

Bonjour mesdames et messieurs, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, CISM. Je m'appelle André Péloquin, c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit. On vient de terminer un bloc plutôt cowboy avec du Against Me qui était de passage plus tôt cette semaine à Montréal. C'est la pièce Miami! Tirée de leur album Searching for a Former Clarity. Un peu avant, on avait les Bad Lovers qui reprenaient Iggy Pop, c'était Lost for Life. Un peu avant, Yesterday's Ring avec Bob Marsh International Tournament. C'est tiré de leur album El Rancho. Et on a débuté avec les Two Gallons, c'était Las Cruces Jail. On va poursuivre maintenant avec un petit peu de rap, de hip-hop si vous voulez. Ouais, dans la place! On va débuter avec un remix plutôt de Bombs Over Baghdad de Outkast, remixé par Diplo, le petit ami de MIA. Ensuite, on va y aller avec du Ghislain Poirier, du Dizzy Rascal, accompagné de Ratatat, et un remix d'une pièce de Beck par les Islands, les Unicorns, si vous voulez. Jamie et Nick Diamonds. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, c'est à plectrum.cism@hotmail.com. Il y a aussi le téléphone 343-CISM 343-2476 et mon site web, c'est le plectrum.cism.blogspot.com. Et si ça vous intéresse, il y a aussi ma balado-diffusion, mon podcast, c'est le podmodernisme.blogspot.com. Là-dessus, on débute dès maintenant avec Bombs Over Baghdad! Sur la marge, à tout de suite! Like a million elephants, a silverback orangutan, you can't stop a train. I want some, don't come unprepared, I'll be there. But when I leave there, better be a household name. When the man telling us it ain't gonna rain. So now we sit in a drum top soaking rain. In the silk suit, try not to sweat. Hit summer songs without the dead. But this will be the year that we won't forget. 1999. And I need anything gold. Be what you wanna be, don't get you no consequences. I give it for living the business. You might have come to jail. Blow the dig, I might just touch hell. Hot, get a life out of your sale. Then I might catch you a spell. Look at what came in the mail. I'm still as warm and hammer. With no answers, you're for cancer, you're for AIDS. Make a nigga wanna stay on tour for days. Get back home, things are wrong. When I really was bad all along. Before you left, answer to a ball of power. Talk to the 1,000 miles per hour. Hello, ghetto, let your brain free. Believe that always bold. Stay street. Big things happen every time we meet. Like a frat team, crack team, dying to geek. Outcast bumping up and down the street. Slam back, Cadillac, 5-5, niggas beat 75 MCs. Freestyle to the beat, cause we get crunk, stay drunk at the club. Should've bought an ounce, but you caught the dub. Should've held back, but you throwed the punch. Supposed to meet your girl, but you packed the lunch. No D to the U to the G for you. Got a son on the way by the name of Bamboo. Got a little baby girl, 4-year Jordan. Never turn my back on my kids for them. Should've hit it, rag top. Before you re-up, get a laptop. Make a bending for yourself, boy, set some goals. Make a fat dime out of dusty coal. Record number 4, but we on the road. Hold up, slow up, stop, control. Like Janet, planet, stake only, it's only a moving like floor, coming straight to Florida. Block by your windows, then block the quarters. Putting up on bail, cause the women's in order. Like a 3-piece bitch, before I cut your daughter. Your kettle tuck a bell, then I hit the border. Pity pat rapper trying to get the vibe. On my microphone beam, trying to stay alive. When you come to ATL, well, you bet not high, cause the Dungeon Family gon' ride. We'll be right back. Can't do that. Can't do when me roll the when me track the when me blaze the mic cut, you know the faster them for something. Can't do that. When me go when me born when me live when me die when me from and on the boy. Can't do that. When me roll the when me track the when me blaze the mic cut, you know the faster them for something. No one ever did understand just a certain type of man. But come this grow down and try and criticize. Look, guns are running for down man at this. We all don't know one chat about things that the fussy don't know. Can't be younger than my one man star. Me have to ring me alarm and show the people them. I'm a run things with the two double low. Then I kill them man flow. We have the people them low. Can't this when me go, when me born, when me live, when me die, when me from and on the boy. Can't this when me roll the, when me chat the, when me blaze the mic cut. You know the faster them for something. Can't this when me go, when me born, when me live, when me die, when me from and on the boy. Can't this when me roll the, when me chat the, when me blaze the mic cut. You know the faster them for something. Lights went dead. use a belt diamond, a bucket of rain. Hold your hand onto the plow. Work the dirt till the sun goes down. What's left of death is more than fear. Let dust be dust from the good Lord. Hey, hey. Vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM CISM. Je m'appelle André Péloquin. C'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit. On vient de terminer un bloc plutôt rap, hip-hop, yeah! Avec Beck, c'était une reprise, une chanson plutôt de son album Guero, remixée par Islands. C'était la pièce Emergency Exit, c'est tiré du EP de Beck Remix No. 2. Un peu avant, on avait Dizzy Rascal en compagnie de Ratatat, c'était l'excellente pièce Fix Up, c'est tiré du mixtape Ratatat Remixes Volume 1. Un peu avant, Justin Poirier avec la pièce Cold As Hell, et on a débuté avec un remix de Diplo d'une pièce de Outkast, c'était bien sûr Bombs Over Baghdad. On va poursuivre dès maintenant avec du folk pour terminer l'heure avant l'apparition soudaine des robots de la rime qui devraient se téléporter dans nos studios dès 17h. On va y aller avec un bloc folk plutôt tranquille, presque entièrement constitué de reprises. On va débuter avec les Pictures qui vont reprendre une pièce de la chanteuse R&B Kellis, c'est bien sûr Milkshake. Ensuite, on va y aller avec les Diskettes qui vont reprendre eux autres Abaza, une espèce de One Hit Wonder, de groupe espagnol qui a disparu de la surface de la planète depuis. Ensuite, on va y aller avec les Flaming Lips qui reprennent en compagnie de Beck la pièce Last Cause. Et si on a le temps, on va y aller avec une reprise folk de Danzig. Oui, ça existe. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, 343-CISM, 343-2476. Il y a aussi le courriel à plectrumcism@hotmail.com. Et finalement, le site web, c'est le plectrumcism.cjb.net. On débute dès maintenant avec Milkshake sur la marge. À 18! Émotion! Waiting. waterfront, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red, blue lights flashes from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Taylor breathes words of comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps his shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pull in for some gas. A freshly pasted poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Pele speaks righteous, sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Ringmaster steps up, says the elephants left town. People jump and jive, and the clowns inch back around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for, and why. Pele yells, we're out of here, and Cena says, right on. Make your moves and starting grooves before they knew we're gone. Jump into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey. By the rights, how bizarre. Uh-oh. tired of fighting. I'm tired of fighting. Fighting for lost cause. There's a place where you are going. You ain't never been. Take your daughter out tonight.